tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Entartete Kunst ou l'art dégénéré, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a Munich en juillet 1937 et une exposition qui va circuler 4 ans en Allemagne. Il y a ce que les nazis ont appelé l'art dégénéré et qui désormais peut s'enorgueillir d'avoir été stigmatisé. Cubisme, expressionnisme, abstraction, surréalisme, dadaïsme. Il y a aussi une autre exposition, en miroir, de l'autre côté de la rue, celle d'un art allemand idéalisé, pur et figuratif. Alors, face au mépris institué, il faut faire l'effort d'ausculter la relation du nazisme à l'art, explorer les trafics, le vol, la spoliation, la sélection, la destruction, et cohabiter avec un vocabulaire meurtrier. Alors, pour commencer, les personnages. Une femme juive de 86 ans qui a été volée et a vécu cachée, des voisins qui se servent, des collectionneurs et des marchands spoliés et persécutés, les ombres de Picasso, Chagall et Matisse, des marchands autorisés, des artistes bannis, d'autres fascinés et ceux qui se sauvent. Ensuite le décor, la zone grise, une mine de sel où sont cachés des tableaux, Vienne, capitale du pillage, une exposition d'œuvres volées, des tableaux comme monnaie d'échange, des tiroirs où dorment les œuvres de Dix, le grand corps feutré des musées et leurs rumeurs silencieuses. Aujourd'hui, 3e épisode, on est à Vienne. Zum Teil ist die Zone nicht nur grau, sondern rabenschwarz. Parfois, la zone n'est même plus grise. Elle est noire corbeau. Und alle, die mitgemacht haben, haben profitiert. Tout le monde a profité du système. Das ist ein absolut korruptes System. C'était un système totalement corrompu. Je suis Dr. Heilmann, Lucia, née à Vienne. Maintenant, je suis 86 et je suis une juive. Le premier était que j'étais dans l'école. Et le directeur de cette école, entre le classe, et dit tous les enfants juifs à Herauslauf. Doivent sortir. Herausgeschmissen. C'est un fact. Mais la vie n'est pas des facts, ce sont des émotions. Et ainsi, quand le directeur a dit que tous les juifs hâtent de partir la classe, c'était pour moi la première Demütigung. Humiliation. Il faut que nous prendre nos choses et partir. 38. 1938. Heute ist es vollendet. Die Ostmark ist heimgekehrt. Das Reich ist wieder erstanden. Das Volksdeutsche Reich ist geschaffen. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs, melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Ja, ja. Also, da war diese, im März 38, en mars 1938, le 12 mars, les troupes allemandes sont entrées en Autriche. Et le 15 mars, c'était l'annexion. C'est de ce balcon là-haut qu'Adolf Hitler a déclaré officiellement cette annexion. La place que vous voyez là était remplie d'Autrichiens qui criaient leur enthousiasme. On ne peut vraiment pas parler d'une annexion forcée. Et c'est la même chose pour le référendum qui a eu lieu en avril et qui s'est soldé par une écrasante majorité en faveur de l'annexion. Le bâtiment devant lequel nous nous trouvons est une annexe du musée d'histoire de l'art de Vienne. C'est à l'étage supérieur, à partir de 1943, qu'on entreposait les collections spoliées par la Gestapo. Les collections Rothschild, par exemple. Louis et Alphonse Rothschild. Ou les collections Gutmann et bien d'autres. On appelait ça le dépôt central des collections spoliées. Et c'est certainement l'endroit qui a concentré le plus d'objets spoliés. Entartete Kunst. L'art dégénéré. Par Christine Le Serve. Aujourd'hui, le pillage organisé. En bas du musée du Belvédère, dans la fameuse orangerie, se trouvait également un dépôt très important de collections spoliées. C'étaient les deux plus gros dépôts de Vienne. Par la suite, il y en a eu d'autres. Leonhard Weidinger. Je pense par exemple à l'abbaye de Kremsmünster en Haute-Autriche. Un cloître bénédictin qui avait été réquisitionné par le régime et qui se trouvait tout près de Linz, là où il devait y avoir le musée du Führer. C'est dans cet énorme cloître qu'étaient donc entreposées toutes les œuvres destinées au musée de Linz. Il y en avait des milliers. À partir de 1944, toutes ces œuvres ont été transférées dans la mine de sel de Altaussee. C'est là qu'elles ont été découvertes en 1945 par les Américains, qui les ont sorties de là et transportées au Collecting Point de Munich. La plupart des œuvres spoliées étaient des peintures, des maîtres hollandais, Rubens, Rembrandt, la crème de la peinture, les grands maîtres anciens. Mais il y avait aussi une grosse partie d'art décoratif. La collection Rothschild était constituée à 80% de meubles précieux, de porcelaine, de verre, d'argenterie. Il y avait beaucoup de sculptures, de meubles sublimes qui se retrouvaient entreposés ici. C'est pourquoi on avait tant besoin de place. Les voisins, les voisins sont entrés le appartement du juif et a dit « Oh, quel c'est joli, je l'ai pris !» Lucia Heilmann. Les voisins, vous comprenez? Ne pas seulement les SS, les SA, non. Les voisins qui ont habitué tous les années avant avec vous. Ne pas seulement les choses grandes et les choses précieuses, non. Tusk, un jour, une couple sonnait dans l'appartement et a visité l'appartement et dit « Oh oui, c'est joli et il faut partir après 10 jours ». Et nous avons laissé l'appartement. On a... yeah. « In Wien ging alles sehr schnell. À Vienne, tout est allé très vite. Dès que l'Anschluss a été prononcé, les persécutions ont commencé. La plupart du temps, ces persécutions n'étaient même pas planifiées. C'était le peuple enthousiaste qui profitait de la situation pour faire main basse sur tout ce qu'il trouvait. Les appartements, les collections, les magasins. L'État a très rapidement compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça et a commencé à faire ses propres listes. La spoliation des collections Rothschild a été planifiée par la Gestapo. À Vienne, les persécutions et les spoliations ont démarré immédiatement, à la différence de l'Allemagne. En 1933, après la prise de pouvoir des nazis, le régime a d'abord dû se mettre en place et les persécutions ont mis plus de temps à s'installer. Il faudra attendre novembre 1938 pour assister à des pogroms d'une ampleur comparable à ceux qui avaient déjà eu lieu à Vienne en mars de la même année. Wien hatte zudem einen sehr hohen. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait une grande proportion de juifs dans la population viennoise. Plus de 10% de la population était touchée par les lois de Nuremberg et persécutée en tant que juifs par les nazis. Il y avait parmi eux beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'industriels, beaucoup de banquiers. Et il y avait donc beaucoup de choses à voler. Et la population viennoise a regardé ou soutenu ces exactions. Zugesehen oder sie eben auch entsprechend unterstützt. Das ist ein massiver Unterschied zu München. À la différence de Berlin ou de Munich, tout est allé très vite ici à Vienne. Und es konzentriert sich sehr schnell. Tout s'est précipité. Enorm viel geraubt. Et énormément de choses ont été pillées. Oui, c'était à Vienne, c'était beaucoup de riches, de personnes juives. Qui a gesammelt Collection, ne pas de tableaux, aussi de livres. C'était beaucoup de livres très précieux, très précieux. Le premier livre qui est primé à Venise dans une en hébreu, et c'était relié en tuir. Et cet été, dans une personne juive à Vienne, les SS est venue et a pris toute la librairie de ces maisons et a porté à la Nationalbibliothèque. À la Nationalbibliothèque, on a vu, oh, c'est une chose. On a se donné dans une chambre toutes les choses, ne pas une maison, mais beaucoup de maisons avec des livres, avec des librairies, des bibliothèques. Et maintenant, c'est possible pour aller à National Bibliothèque et voir ces choses. Ainsi, je sais. J'ai vu les choses qui sont portées dans les maisons des Juifs. Les nazis, die Nationalsozialisten waren eigentlich überrascht, surpris de l'ampleur de ce qui se passait à Vienne, ont mis en place une véritable organisation du pillage. Dès avril 1938, était institué à Vienne ce qu'on a appelé le bureau de la circulation des biens, dont la seule fonction était de gérer la confiscation des biens. Ça n'existait dans aucune autre ville. Ce bureau gérait entre autres les fiches de renseignement que tout juif devait remplir quand il avait une fortune supérieure à 5000 marks. Ces fiches de déclaration de patrimoine, qui se sont ensuite étendues à tout le Reich, étaient une invention viennoise. Bon nombre de mesures prises par le régime nazi proviennent de cette dynamique très spécifique à Vienne. Inwieweit war Hitler ein Österreicher? Nun, er war ein gebürtiger En quoi Hitler était-il un Autrichien? Sicherlich auch eine österreichische Mentalität. Eh bien, il était né en Autriche et avait très certainement conservé une mentalité autrichienne. Birgit Schwarz. Er hatte ein riesiges Museumsprogramm. Et il y avait cet énorme projet d'un musée à Linz. So ein bisschen, un programme gigantesque. Un peu comme celui de Napoléon ou de Denon, oui. Ja. Man raubt Kunstwerke in anderen Ländern. On pille les œuvres à l'ennemi, où qu'elles soient, bei den Feinden, à l'étranger ou chez les collectionneurs juifs. Die in das eigene Land, on les prend et on les ramène dans son pays. Und, hat da ein Hauptmuseum. Une grosse partie du butin était destinée au musée du Führer. Louvre in Paris geworden, aber man hat ein Hauptmuseum, das einen besonders interessiert. Ce musée n'aurait certainement pas été l'équivalent du Louvre. Braucht gibt man an andere Museen. Das ist Napoléon und Hitler s'est inspiré de ce programme de pillage français. Also dieses Kunstverteilungsprogramm in Frankreich war das Vorbild für Hitler und sein Programm. Und Hans Posse, der qui était directeur du musée de Dresde, était en quelque sorte son Denon. Das ganze fachmännisch. C'est lui le spécialiste qui supervisait les acquisitions. Und da ging Posse von 2000 Kunstwerken, also Gemälden aus, die in das Museum gekommen sind. Avait envisagé de saisir environ 2000 tableaux. Und die anderen beschlagnahmten pour le musée du Führer. Wären eben auf die anderen Museen verteilt worden, auf Österreich. Also in le reste Österreich des œuvres spoliées devait être réparti dans les musées. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Autriche. Le butin des collections juives spoliées avait été redistribué dans les musées. Il a été restitué après la guerre. Mais ce vaste programme de redistribution aurait dû être étendu à tout le Reich en cas de victoire. Wenn der NS-Staat positiv irgendwie zu Ende gegangen wäre, dann wäre das also auch auf Deutschland à l'Allemagne worden, et surtout auch in au musée des pays de l'Est. In den Ostgebieten, weil dort einfach, wie soll man sagen, die Ostgebiete kulturell noch nicht, also so, ja, noch nicht so viele Museen hatten. Où les collections étaient bien moins riches que celles de Munich. Kulturell etwas minder bemittelt waren im Vergleich zu Nuremberg, Dresde ou Cologne. Die alten Städte München, Nürnberg, Dresden, Köln. Alors, il y a une chose que j'ai comprise relativement récemment en travaillant sur le thème des invasions barbares, que ce que les Allemands nomment Völkerwanderung, c'est-à-dire la migration des peuples. Éric Michaud. C'est que le mythe du sang germanique supérieur, était quelque chose qui avait une importance tout à fait considérable relativement au pillage auquel se sont livrés les nazis à partir de l'occupation d'un certain nombre de pays européens après le commencement de la guerre. J'ai découvert l'usage des cartes montrant donc ces fameuses invasions barbares, ce que nous, Français, appelons les invasions barbares, c'est-à-dire essentiellement les invasions germaniques des 4e et 5e siècles. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est la façon dont ces cartes ont été utilisées par un certain nombre d'historiens de l'art. D'historiens de l'art qui emboîtaient le pas à beaucoup d'historiens. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que, finalement, le sang germanique avait irrigué l'Europe entière. Le sang germanique ayant irrigué l'Europe entière, il était tout naturel que ce qu'on appelle les royaumes barbares, qui ont constitué donc l'Europe à sa naissance, tous ces royaumes barbares sont en fait des royaumes germaniques, aux yeux des nazis. Mais c'est quelque chose qui était déjà, d'une certaine façon, énoncé par des Français, et notamment par des Français qui se pensaient eux-mêmes comme d'origine germanique, c'est-à-dire la noblesse française, et c'est un noble français, Lascaz, qui a constitué la première carte qui a servi de modèle ensuite pendant deux siècles, qui sert encore aujourd'hui de modèle, la première carte de ces invasions barbares, montrant comment le sang germanique s'est répandu finalement à travers ces invasions partout. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que une fois admise cette logique de la diffusion du sang allemand dans l'Europe entière, tout ce qui était supposé provenir du sang allemand était une part du patrimoine des Allemands. Et donc, ce qu'on appelle le pillage des œuvres, lorsqu'il ne s'agissait pas de pillage d'œuvres dites dégénérées, que l'on pouvait ensuite soit détruire, mais le plus souvent monnayer contre de l'or, véritablement. C'est tout ce qui était supposé avoir une valeur proprement patrimoniale. À ce moment-là, c'était quelque chose qui revenait, je dirais presque de droit, mais par le droit du sang, aux Allemands. Et c'est en effet ce qu'ils se sont arrogé véritablement le droit de faire au nom du droit du sang. L'enthousiasme des nazis pour l'art n'était qu'une soif de pouvoir. Ralph Jentsch. Quand on voit la façon qu'avait Göring de collectionner, et même celle d'Hitler, c'est l'avidité, la soif de pouvoir qui les guidait. Pour moi, ça n'avait strictement rien à voir avec un goût pour l'art. Ou avec un quelconque sens artistique, absolument pas. Göring avait recouvert de tableaux les murs de sa maison de campagne, de Karin Hall, pour la frime. Comme il se serait acheté une nouvelle voiture. C'est grâce au vol et à l'escroquerie qu'il a construit cette collection. Hitler aussi. Et si tous ces grands dignitaires nazis s'étaient vraiment intéressés à l'art, ils n'auraient pas chassé les plus grands artistes de leur pays. Ils n'auraient pas diffamé leur art en le traitant de dégénéré et ils n'auraient pas réduit leurs œuvres à néant. C'était de l'enrichissement personnel. Und du vol à l'état pur. Tja, brutaler Diebstahl. Nicht die Reisen von Göring immer nach Frankreich. Ich meine, was in Paris, was da beschlagen wurde. Pense au voyage de Göring à Paris et à toutes les œuvres qu'il a spoliées. Non seulement Göring saisissait pour son propre compte des œuvres d'art moderne dans les musées allemands, des Van Gogh par exemple, mais il les utilisait ensuite comme monnaie d'échange. Il allait les troquer à Paris contre de l'art ancien. Aber mit Kunstsinn oder Kunstliebe hat es nichts zu tun. Cela n'avait rien à voir avec l'amour de l'art, pas le moins du monde. Nicht im entferntesten. À l'été 1940, une grande partie du patrimoine artistique en main juive est déjà dans les caves de l'ambassade d'Allemagne, puisque c'est tout d'abord Otto Abetz qui prend la direction de cette opération. Emmanuel Pola. 3 à 6 salles du Louvre vont être mises à disposition de ces pillages opérés sur le patrimoine privé des familles juives, des francs-maçons et de tous opposants au Troisième Reich. Et puis, dès le 1er novembre 1940, la place manque. Le jeu de paume devient le lieu de stockage des œuvres spoliées aux familles dites de race juive, désignées comme telles par les ordonnances allemandes et par la législation de Vichy. Donc, au musée du jeu de paume, très vite, des expositions vont être dressées, des expositions d'un genre tout à fait particulier, puisque ce sont des expositions réalisées avec des œuvres spoliées, qui vont être apposés aux cimaises du jeu de paume pour les visites d'Hermann Göring. Hermann Göring vient plus de 20 fois au musée du jeu de paume en 1940, 41 et 42. Il y fait à chaque fois impunément son marché et sont présentées les œuvres comme appartenant aux critères esthétiques du Troisième Reich. Ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on a, dans un format tout à fait réduit, dans ce que Rose Valvan va appeler la salle des martyrs, une transposition de l'exposition Entartete Kunst de Munich de 1937, où, dans un format très réduit, vont être présentées, accrochées à l'anglaise, à touche-touche, des œuvres participant aux critères esthétiques proscrits par le Troisième Reich et considérées comme, non pas art dégénéré, mais je préfère dire comme judéo-bolchévique, parce que il y a voilà, ces filiations avec les arts dégénérés en Allemagne. Dans cette salle des martyrs, des œuvres des avant-gardes, des œuvres de Picasso, des œuvres de Dali au premier plan, de Chagall, de Matisse, de Braque, de Torres Garcia et bien d'autres. Et ces œuvres vont devenir une monnaie d'échange et nous allons avoir des échanges d'un type tout à fait particulier. J'ai en tête une photographie assez connue maintenant de Hermann Göring qui a entre les mains le port d'Anvers de Jan Brueghel, un tableau de petite taille où sous les yeux de son conservateur Walter Andreas Hofer, eh bien, il va réaliser un échange et contre le petit port d'Anvers de Jan Brueghel vont être échangés non pas un, deux, trois, mais quatre Matisse spoliés de la collection du célèbre marchand Paul Rosenberg. Das Verrückte ist ja, die Nazis dachten oder sagten, die entartete Kunst ist schlecht. Le plus fou dans tout cela, c'était que les nazis disaient que l'art dégénéré était mauvais, qu'il n'avait aucune valeur, mais qu'ils se sont vite rendus compte qu'une bonne partie de cet art pouvait leur apporter beaucoup d'argent. Bernhard Schulz. Charakteristisch ist die Tatsache, dass es vier Kunsthändler gab. Par la suite, seuls quatre marchands triés sur le volet ont été autorisés à vendre de l'art dégénéré. Vier ausgewählte Kunsthändler hatten das Recht. Bei allen anderen war es streng verboten. Pour tous les autres, c'était strictement défendu. Weil sie Geschäfte mit dem Ausland machten und Devisen brachten. Und Devisen war. Pourquoi avaient-ils ce droit? Tout simplement pour rapporter des devises en faisant des affaires avec l'étranger. Le Reich avait un besoin crucial de devises à l'époque. Par exemple, pour importer du carburant. On a également autorisé ces quatre marchands d'art à s'approvisionner directement dans les dépôts où étaient entreposées les œuvres saisies dans les musées. L'un de ces marchands, Karl Buchholz, envoya à New York son collaborateur Kurt Valentin, qui plus est demi-juif selon la terminologie nazie, pour y ouvrir la Buchholz Galerie. Il y a vendu un grand nombre d'œuvres d'art dégénéré au musée américain. Werke entarteter Kunst an die amerikanischen Museen in dieser Zeit verkauft. Dass die deutsche moderne in den amerikanischen Museen. Le fait que l'art moderne allemand soit aujourd'hui aussi bien représenté dans les musées américains, on le doit aux nazis, il faut bien le reconnaître. Andere wie Ferdinand Möller, auch er war ein Kunsthändler, sind viel wichtiger. Parmi ces quatre marchands, il y avait aussi Ferdinand Möller. Möller est un cas très intéressant. Nazis wussten das nicht. Il possédait une collection remarquable d'œuvres expressionnistes qu'il cachait chez lui sans que les nazis le sachent. Pendant tout le Troisième Reich, Möller a continué à les vendre clandestinement à des collectionneurs privés. Et juste après la guerre, il les a vendus aussi aux musées qui voulaient reconstituer leurs fonds. Andrea Baresel-Brandt. Il est vrai qu'aux Pays-Bas et à Paris, le marché de l'art connaissait une activité effrénée, avec des chiffres d'affaires exorbitants, en raison d'une arrivée massive d'œuvres d'art sur le marché. Pour les chercheurs, cela serait dû à l'existence d'un marché noir, qui se forme inévitablement dès qu'une guerre éclate et au fait que l'on investissait beaucoup plus dans l'art, car investir dans l'immobilier était devenu risqué. Alors il y a des enrichis du marché noir qui, fort de certaines sommes importantes en liquide, vont avoir très vite envie de transformer ces liquidités en choses matérielles, et notamment en tableaux de petit format qui se vendent excessivement bien, représentant des paysages ou des jeunes femmes. Il y a là encore toute une histoire du goût à définir à travers ces ventes. Dans cet afflux de marchandises, il se trouve que j'ai pu repérer quelques exemples d'œuvres vendues à l'hôtel Drouot qui sont issues des spoliations artistiques aux familles juives. Et il y a des œuvres d'origine douteuse qui vont venir inonder ce marché et l'inonder pendant la guerre, pendant les 4 années de la période de l'occupation, mais également après, dans les années 50, 60 et 70. Alors, à l'hôtel de Rouault, la clientèle a également changé, puisque très vite, les dignitaires nazis vont s'y rendre. Il faut dire qu'ils sont en possession de Reichsmark surévaluées. N'oublions pas la déflation du franc. Et très vite, on voit à travers les procès-verbaux des commissaires-priseurs la venue d'Hildebrandt-Gurlitt. Il se rend très célèbre lors de la vente de la collection de Georges Viau, où il va faire des enchères, enchères qui s'envolent, et notamment il va acheter le tableau le plus cher, vendu le plus cher de la période de l'occupation, une Sainte Victoire de Cézanne. Hildebrandt-Gurlitt était un historien de l'art, un très bon historien de l'art. Il avait commencé sa carrière en tant que directeur du musée de Zwickau, mais il avait été chassé très tôt de son poste à l'arrivée des nazis. Il était ensuite parti à Hambourg, où il avait fondé l'association artistique de Hambourg. Il en avait été à nouveau chassé à cause de ses positions esthétiques. Gurlitt a été sûrement l'un des tout premiers défenseurs et mécènes de ce que l'on appelle aujourd'hui le classique moderne. Il entretenait d'étroites relations avec les artistes et il avait mis sur pied des expositions très avant-gardistes à Zwickau ou à Hambourg. On sait aujourd'hui qu'il avait même organisé dans les années 30, c'était en 36 je crois, une exposition de Max Beckmann dans sa propre galerie Kunstkabinett Gurlitt. N'oublions pas qu'à partir de 1943, c'est un marchand d'Hitler pour la galerie de Linz. Il vient écumer les galeries d'art avec énormément d'argent. Il le dit, l'argent pour nous n'était pas un problème. Il achète pour Linz des tableaux de facture classique, mais il profite également de ses séjours parisiens pour compléter sa propre collection. C'est un amateur des avant-gardes. On le sait, très proche des avant-gardes allemandes, des expressionnistes allemands, pour la carrière qu'il a menée dès les années 30 en Allemagne. Et en France, il a la possibilité d'acheter des œuvres qui lui conviennent mieux, qui conviennent à son goût, pour compléter et enrichir à la fois sa collection personnelle, mais également son stock de marchands d'art. Absolument. Je crois que rien n'est toujours ou noir ou blanc. Hildebrandt-Gurlitt a fait une carrière très respectable, si je puis dire, en tant qu'historien d'art. Mais il a ensuite proposé ses services au régime et a su tirer parti du système. On le sait, il est devenu acheteur principal pour le musée du Führer à Linz et il a participé activement à l'achat d'œuvres d'art dans la France occupée de Vichy. Oui, on a tout à fait raison de parler d'une zone grise. Leonhard Weidinger. Absolut richtig. Das, es ist nicht nur grau, sondern es ist in vielen Stufen. Et c'est gris à tous les niveaux. Die Sammler kannten sich alle. Tous les collectionneurs se connaissaient, tous les gens de musée se connaissaient. Für Ferdinand Bloch-Bauer. En 1925, Richard Ernst, directeur du musée des arts appliqués de Vienne. Das heißt, es war ein Katalog der Porzellansammlung Bloch-Bauer. Rédige pour le collectionneur Ferdinand Bloch-Bauer un catalogue raisonné de sa fameuse collection de porcelaine, qui comprenait près de 400 pièces. Sammlung Bloch-Bauer mit fast 400 Objekten. Ferdinand Bloch-Bauer floh nach dem Anschluss, ließ seine. Après l'Anschluss, Ferdinand Bloch-Bauer est contraint à la fuite et doit abandonner sa collection. Beschlagnahmt und die wurde dann 1940-41. Prétextant des dettes d'impôts, L'État saisit sa collection et la vend aux enchères en 1940-41. Richard Ernst se rend à la vente et acquiert plusieurs pièces pour le musée. Elles étaient encore ici au musée il y a très peu de temps, elles viennent d'être restituées. Je crois qu'il en reste encore deux ou trois qui vont l'être très prochainement. Mais donc après 1945, le même Richard Ernst s'implique dans les procédures de restitution. Il reprend contact avec les Bloch-Bauer. Il les aide même à localiser les pièces de leur collection. Richard Ernst s'est donc toujours adapté au système. Et je crois qu'on retrouve cette zone grise dans de nombreux domaines. Le noir et blanc n'existe que très rarement dans l'histoire. Quand on regarde le parcours de l'historien d'art Erhard Goeppel, c'est aussi une zone grise. Christian Fuhrmeister. Goeppel était responsable en chef des achats pour le musée du Führer à Linz. Et en même temps, il avait noué une relation très étrange avec le peintre Max Beckmann, exilé aux Pays-Bas. Après la guerre, le même Erhard Goeppel devient l'exégète de l'œuvre de Beckmann et rédige même le catalogue raisonné de son œuvre. Beaucoup le considèrent comme un expert de l'art moderne. Il y a encore très peu de temps, personne n'évoquait sa participation à la spoliation de la collection Schloss dans la France occupée. Goeppel voyageait beaucoup. Et négociait avec des marchands juifs dans la Hollande occupée. Si ceux-ci lui livraient la bonne marchandise au bon prix, il s'engageait en retour à faire libérer les membres de leur famille, emprisonnés par exemple au camp de Westerbork. C'était donc une véritable transaction. De l'art contre la vie. Goeppel utilisait aussi des marchands d'art juifs hollandais, comme par exemple Vital Bloch, qu'il envoyait en Suisse neutre pour y chercher des chefs-d'œuvre, comme ceux de Rembrandt. Andere kapitale Kunstwerke, etwa Rembrandt, befinden, auf dass diese, pendant ce temps, Goeppel surveillait de près les membres de la famille restés en Hollande. Goeppel utilisait ses marchands comme de véritables outils pour se faire bien voir de ses supérieurs, Ernst Posse et Hermann Voss, comme quelqu'un qui pouvait fournir des œuvres capitales sur le marché. Parallèlement à tout ça, il était en contact avec le peintre émigré Max Beckmann. Bernhard Schulz. Der Sohn von Beckmann hat ja viele Gemälde nach Deutschland gebracht. Le fils de Beckmann faisait passer beaucoup de tableaux de son père en Allemagne. Hat immer, comme il était dans l'armée, chaque fois qu'il passait la frontière entre les Pays-Bas occupés et le Reich, il disait qu'il transportait des décors pour un théâtre sur le front, für ein Fronttheater. Et on lui disait, vas-y, passe. Ja, fahr du mal durch. Und dann ist mit den Gemälden nach Deutschland gefahren. Und das ist übrigens auch ein Fall. Beckmann, voilà encore un cas très particulier. Même exilé, Beckmann s'est beaucoup vendu en Allemagne pendant la guerre. Parce que les marchands continuaient de vendre ses tableaux. Comme par exemple Günter Franke à Munich. Il vendait du Beckmann parce que les collectionneurs en voulaient. Beckmann les faisait donc sortir clandestinement d'Amsterdam. Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Sie wollten mal reinschauen? Oh ja! Vous connaissez peut-être cette œuvre. Kennen Sie dieses Werk? Das? Der Krieg. Der Krieg. Der Krieg. Das ist, glaube ich, so das berühmteste von Otto Dix seiner Druckgrafik. C'est, je crois, l'une des gravures les plus célèbres d'Otto Dix. Andreas Strobel. Otto Dix ist 1891 geboren in Gera. Otto Dix est né en 1891 à Gera, une petite ville à l'est de l'Allemagne en Saxe. In Sachsen. Ist dann 1914 sofort zum Krieg eingetreten. En 1914, il s'est engagé dans l'armée et a été envoyé sur les champs de bataille de cette horrible guerre, en particulier sur le front français. Schlachten dabei gewesen im an der Frankreich Front. Er hat, Dix a vécu là-bas une sorte de traumatisme qui va le hanter toute sa vie et sur lequel il ne cessera de revenir dans son œuvre. Comme beaucoup d'artistes sur le front, Dix faisait des croquis. Puis entre deux batailles, il prenait de grandes feuilles et peignait des scènes de guerre qui s'inspiraient de ses dessins. Gemalt und gezeichnet, wo er aus diesen Skizzen dann eigentlich gleich Bilder gemacht hat. Da kann ich Ihnen auch gleich noch was aus der Schublade holen. Peut vous en sortir un de l'armoire, si vous voulez. Dix voulait devenir le Goya du XXe siècle. Er wollte der neue Goya oder der Goya des 20. Jahrhunderts sein. Il voulait témoigner sur les atrocités de cette guerre, comme Goya l'avait fait dans son cycle sur la guerre contre Napoléon. Les désastres de la guerre. Ça tombe bien, il est justement au-dessus de la pile. Otto Dix avait commencé sa carrière en provoquant l'establishment. Anzuecken am System, der gegen die, das Establishment provoziert hat. Avec des toiles très crues, des peintures de la sexualité, des figures de prostituées. Dass dieser Otto Dix dann sehr schnell, il était devenu très rapidement, dès 1926, un artiste reconnu. Nommé très jeune professeur à l'Académie des Beaux-Arts, Dix se mit à mener une vie rangée en fondant une famille. En évoluant dans les sphères de la grande bourgeoisie, alors qu'il était lui-même issu d'un milieu ouvrier. Oder dass er eben gegen das Establishment wäre. Und 1933 muss das insofern für ihn schon ein gewisser Schlag sein. En 1933, Dix fut le premier artiste à Dresde à être renvoyé de son poste. Stadt in Deutschland ein bisschen anders gewesen und auch an jeder Akademie ein bisschen anders. Ce fut un coup très rude pour Dix. Die aus dem Amt entfernt wurden. Die schwarze Zeit hat. Les temps sombres ont aussi leur zone grise. Das gehört auch zu diesen. Grau schattierten Leute. Et Otto Dix appartient assurément à cet entre-deux. Dix choisit de rester en Allemagne après 1933, malgré les menaces qui pèsent sur lui. Il se retire sur les bords du lac de Constance, où il a de la famille et où personne ne le connaît, mais il ne quitte pas l'Allemagne. Au contraire, jusque dans les années 36-37, Dix cherche à prendre pied dans le nouveau système. En 1934, alors qu'il vient d'être ignominieusement renvoyé de son poste, il parvient avec succès à adhérer à la Chambre de la Culture du Reich. Und hat dann ja auch noch 1934-35 in Deutschland. Il participe à des expositions jusqu'en 1934-35. 1937 hat er eigentlich so gut wie keine Möglichkeit. En 1936, la situation devient plus difficile pour Dix. Und er hatte auch. Et à partir de 1937. In den Jahren durchaus. Il ne lui est plus du tout possible d'exposer de manière officielle. Mais Dix continue à vendre à des galeries privées et jusqu'en 1944, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau mobilisé à l'âge de 50 ans dans le Volkssturm. Dix continue à travailler, non sans quelques problèmes, bien sûr, avec la peur toujours présente d'être rattrapé par son passé. Il disait d'ailleurs qu'il avait choisi de vivre à Emmendorf, sur le lac de Constance, parce qu'il était à une demi-heure de barque de la Suisse au cas où les nazis viendraient le chercher. wo Otto Dix eben ein sehr schönes, in Anführungszeichen, Dix est un bel exemple d'artiste exclu par le régime, ausgegrenzt wurde, der aber zu dieser dont Zeit l'art aurait pourtant très bien pu convenir à ce régime. Die sehr gut in dieses Regime gepasst hätte. La peinture de paysage d'Otto Dix, très marquée par la peinture allemande du XVe siècle tardif et du début du XVIe siècle, aurait tout à fait pu trouver sa place dans les grandes expositions d'art allemand. Genauso gut auf den großen deutschen Kunstausstellungen vertreten sein können, si l'artiste n'avait pas été stigmatisé comme dégénéré. Le cas d'Émile Nolde est un peu différent. Émile Nolde ist noch mal ein bisschen ein anderer Fall, weil Émile Nolde ist ja ein Nazi convaincu gewesen, wie wir heute wissen und worum lange immer herumgeredet wurde. C'est une chose qui est aujourd'hui connue. Il était même déjà membre du Parti Nazi de l'étranger avant 1933. Ausland deswegen, weil ja in dem deutsch-dänischen Grenzgebiet gelebt hat, nämlich auf der dänischen Seite. De l'étranger parce qu'il habitait juste à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark, côté danois. Der Überzeugung war, dass das richtige System ist. Nolde était convaincu que le nazisme était le bon système. Dass die allermeisten in diesem System. Il a bien été obligé d'admettre qu'à l'intérieur de ce système, les gens n'étaient pas du tout convaincus que son art était bon pour le système. Processus a dû être très douloureux pour Nolde. Parce qu'il s'était senti à sa place dans l'Allemagne nationale-socialiste. Après la guerre, Nolde a très vite retourné les choses. Il a joué l'artiste opprimé dont les œuvres avaient été exhibées lors de l'exposition de l'art dégénéré, ce qui est vrai, mais le fait d'avoir été exclu du système ne veut pas dire qu'il n'aurait pas aimé en faire partie. Um die Begriffsgeschichte, um das zu verstehen, muss man pour vraiment comprendre l'histoire du concept de l'art dégénéré, il faut prendre en compte ce qui s'est passé après 1945. Après 1945, l'art dégénéré est en effet devenu un concept positif. On a procédé à un renversement des valeurs. Les nazis avaient affirmé que l'art moderne était dégénéré et mauvais, et que l'art national-socialiste était bon, positif. En 1945, on inverse tout. Tout ce qui avait été taxé de dégénéré, peu importe ce que c'était, devient bon, positif. Was entartet war, ist jetzt gut und richtig. Und alles, was et tout ce qui était national-socialiste devient mauvais, schlecht. Négatif. Wieder wird mit den Extremen gearbeitet. On a continué à opposer les extrêmes, sans vérifier s'il n'y avait pas eu d'entre deux, s'il n'y avait pas eu des artistes dits dégénérés qui avaient pourtant appartenu au régime. Or, il faut savoir que certains artistes ont figuré en même temps dans les deux expositions. Je dis bien dans les deux expositions. Après avoir été synonyme de diffamation sous le nazisme, le concept d'art dégénéré a presque été anobli. Il a été élevé après 1945 au rang de catégorie morale. L'art dégénéré, c'est un peu plus loin derrière. Tine Nele. Voilà, nous sommes devant un immense triptyque de Max Beckmann qui s'appelle La Tentation de Saint-Antoine. Beckmann l'a peint en 1936-37 à Amsterdam, durant la période de son exil. der Zeit seines Exils. Dieses Werk drückt. Cette toile exprime énormément de choses. C'est difficile pour moi de tout expliquer, mais ce que je ressens avant tout, c'est le déchirement intérieur de l'artiste. Son combat, ses obstacles. Il voulait continuer à peindre, continuer à vivre, mais il ne le pouvait pas. Sa vie était devenue instable, minée par la peur. Il passait de longues nuits sans dormir, à lutter avec la peinture. On sent tout cela dans ce triptyque. Die er mit Malen dann angekämpft hat und ja, diese Momente sieht man eigentlich meines Erachtens nach auch in diesem Triptychon. Man sieht hier jetzt ein Hotelpagen. Sur la droite du tableau, un garçon d'hôtel tient en laisse une femme baïonnée qui marche à ses côtés à quatre pattes comme un chien. Dans l'autre main, le garçon tient une assiette avec une couronne posée dessus. Pour moi, cette femme brutalisée, baïonnée, exprime ce que ressentait Beckmann à cette époque. L'art était baïonné sous le nazisme. L'artiste se sentait prisonnier, enfermé, comme cette autre femme que l'on aperçoit dans une cage à l'arrière-plan. Elle a les seins nus et semble allaiter un chien ou un renard. Un oiseau avec un œil énorme passe son bec noir à travers les barreaux. Mais la femme ne se défend pas. Elle ne le peut pas. Elle est sans défense, enfermée. Ist da schutzlos eingesperrt und von dem ganzen Bild geht, von dieser Situation geht einfach eine ungeheure Bedrohung aus. Il se dégage de l'ensemble du tableau une horrible menace. Aber das ist für mich gerade das Persönliche. C'est précisément ce que j'aime chez Beckmann. Ça et sa manière de peindre, bien sûr. De manier la couleur, de mélanger les teintes, de les recouvrir, Die Farben mischt, wie er sie de les cerner, son utilisation du noir aussi, et sa manière de camper des personnages obsédants. Die Art, wie er Personen darstellt, sind alles sehr eindringliche Charaktere. Tout ça vous rentre sous la peau. Unter die Haut gehen. Er ist seitdem nicht mehr zurück nach Deutschland. Er ist direkt dann nach dem Beckmann n'est jamais retourné en Allemagne. Juste après la guerre, il a émigré aux États-Unis, à New York. Ist dann, leider viel et malheureusement décédé d'une crise cardiaque 3 ans plus tard. Verstorben auf dem un dimanche, alors qu'il se rendait au Metropolitan Museum pour aller voir une exposition. Entartete Kunst, l'art dégénéré, par Christine Le Serve. Aujourd'hui, le pillage organisé. Wenn ich untergehe, lasst meine Bilder nicht sterben. Quand je sombrerai, ne laissez pas mourir mes images. Avec Ralf Jentsch, Lucia Heilmann, Leonard Weidinger, Birgit Schwarz, Eric Michaud, Emmanuel Pollack, Bernhard Schulz, Andrea Baresel-Brandt, Christian Fuhrmeister, Andreas Strobel, Tine Nehler, et les voix de Claude Aufort, Martine Chambacher, Andrea Schiffer et Laurent Lederer. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Prise de son,